Un soldat de la 22e division de l'armée sud-coréenne s'est suicidé le 19 courant, au bout des souffrances dues à la violence et aux injures de son supérieur. Au sein de l'armée fantoche, un soldat se suicide tous les 3 jours en moyenne à cause des violences des officiers.